du drapeau. Dans la pièce sans couleur sur ma peau. Rouge, rouge, rouge, couleur du sang. Tout le long de mon corps déjà meurtri. Ambiance cassée dans cette piole. Le dénouement pourrait être tragique. Et j'écris noir, gérontocratie. Et j'écris noir, gérontocratie. Coulera dans les rues, jour de vengeance. Une porte s'ouvre, glace mon sang. Ils sont là debout, ma crache à la main. Je ne peux plus rien, tu te criais. Je ne peux plus rien, tu te criais. Et j'écris noir, c'est ontocratie.